Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette émission spéciale estivale de Rock de Neurones qui est consacrée aujourd'hui aux nouveautés de 2021 qu'on n'a pas couvert à l'émission spéciale estivale qui a eu lieu au début de juin. Alors aujourd'hui, on remet ça avec Life Signs d'Angleterre, Needlepoint de Norvège, Caligonaut de Norvège, RPVL d'Allemagne, Single-Celled Organism d'Allemagne, Moteur Psycho de Norvège, une nouveauté aussi de Daniel Gauthier du Québec. On aura Stuart Clark d'Angleterre, Inner Prospect d'Italie et deux extraits du plus récent album de Nine Skies de la France. Alors pour le premier bloc de l'émission, on va entendre deux pièces. La première, c'est du groupe britannique Life Signs. Ils ont trois albums depuis 2013 et le plus récent, qui est un album double, s'intitule Altitude et je vous propose la pièce titre. Et ça va être suivi du groupe norvégien Needlepoint. C'est un groupe qui existe depuis 2010. Ils sont déjà rendus à cinq albums studio, dont le plus récent qui s'intitule Walking Up That Valley. Et encore une fois, on va entendre la pièce titre. Alors, tout de suite avec Life Signs. Of me now. As far as my ears can hear, I will be waiting for sounds of wide open spaces. As far as my touch can feel, all the air that surrounds me now. I float like a cloud on the breeze. All that confounds me, it seems so plain to me now. There's nothing astounds me. As far as my sights can see, clear as daylight, lit up like a Christmas tree. Target destroyed. I never knew them at all. Nothing escapes me. Could be something better. The tears roll right down my face. I could be some. So much better.

Ceux qui viennent de se joindre à nous, j'aimerais rappeler que vous écoutez actuellement une émission spéciale estivale de Rock de Neurones consacrée aux nouveautés de 2021. Alors avant la pause, on a entendu le groupe norvégien Needlepoint et ça avait été précédé du groupe britannique Life Science. Alors je rappelle aux auditeurs que toute l'information concernant les pièces qui sont diffusées aujourd'hui, eh bien, elles sont disponibles sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, au deuxième bloc de l'émission, on va aller du côté de la Norvège encore. Et le groupe, c'est Caligonaut. En fait, Caligonaut, c'est un peu un collectif de musiciens qui tourne autour de la formation Airbag, Oak, et aussi des collaborateurs de Bjorn Riss. Alors, Caligonaut ont un album qui vient de sortir, en fait, ce printemps. Et l'album s'intitule « Magnified as Giants ». Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est « Emperor ». Ensuite, il y a RPWL d'Allemagne qui qu'on connaît bien à l'émission, qui sont déjà venus à Québec aussi, qu'on a pu voir en spectacle. Ils ont 7 albums studio et ils sont rendus aussi 7 albums en spectacle. Et c'est tiré du dernier et 7e album qui s'intitule « God Has Failed » que je vous propose la pièce « In Your Dreams ». Mais on débute auparavant avec Caligonaut. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Un petit rappel aux auditeurs que vous écoutez présentement une émission spéciale estivale de Rock de Neurones consacrée aux nouveautés du rock progressif de 2021. Alors, on va aller maintenant du côté de l'Allemagne avec la formation Single-Celled Organism. Et c'est une formation qui existe depuis 4 ans. Ils ont sorti, il y a quelques semaines, leur deuxième album studio qui s'intitule Percipio Ergo Sum. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, mais c'est Entanglement Runs Off. Ensuite, on retourne du côté de la Norvège. Alors, c'est vraiment une soirée de prédilection pour les Norvégiens avec la troisième formation de ce pays-là aujourd'hui. Et c'est Motor Psycho. Et ils ont quand même un long vécu. C'est un groupe qui existe depuis une trentaine d'années. On leur compte 20 albums studio, dont le plus récent qui s'intitule Kingdom of Oblivion. Et la pièce que vous allez entendre, c'est At Empire's End. Et on va conclure avec un musicien québécois du nom de Daniel Gauthier. C'est un musicien qu'on a connu au début du millénaire avec un album très bien coté qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours Above the Storm. Ça, c'est en 2000. Il y a eu une petite éclipse de 8 ans. Il a sorti The Wish. Et maintenant, après une éclipse de 13 années, il vient de faire paraître Altitude 16425. Et j'en ai extrait pour vous la pièce Derrière le masque. On commence toutefois avec Single-Celled Organism d'Allemagne.

Bonjour, je suis Daniel Gauthier et vous écoutez Rock de Neurones sur C'est Fou, le FM de Trois-Rivières. Chanson.

êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous sommes déjà rendus au quatrième bloc de l'émission. Et pour débuter ce bloc, on aura le musicien Stuart Clark. C'est un musicien qui a déjà œuvré avec des grands noms du rock progressif, dont Billy Sherwood. Il a aussi participé des enregistrements avec le groupe Nazareth et aussi avec Days Between Stations. Mais depuis 2019, il a une carrière solo et il vient de faire sortir Let's Go There, qui est son deuxième album. Et tiré de cet album-là, je vous propose la pièce Almost 2020. Ensuite, on va se rendre en Italie avec Inner Prospect. Inner Prospect, je le rappelle, ce sont aussi des musiciens qui collaborent au groupe Mad Crayon. Mais en tant que Inner Prospect, eh bien, ils sont assez prolifiques avec 11 albums, dont le plus récent qui s'intitule Canvas 2. Et la pièce que j'ai choisie, c'est Why Me. Ensuite, on va conclure avec la formation française Nine Skies, qui a déjà 3 albums depuis 2017, dont le plus récent qui s'intitule 5.20. Et j'ai extrait 2 pièces. La première, c'est Wilderness, avec la participation de Steve Hackett à la guitare. Et la dernière pièce, c'est The Old Man in the Snow. Alors, on débute ça avec Stuart Clark. China has reported a total of 48,630 cases of COVID-19 including you didn't care. Tell me there's a lie. Tell me that's alright. They could have forced, they could have sought, they should have just done it right. Right in the middle of an evil calm victory, you done me out with a box in my hands. You could have lied, you could have bluffed, instead of getting lost. Take your dreams, but you didn't care. Tell me there's a lie. Hello, je suis Alexandre Lamia du groupe Nine Skies de France et vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou le FM de Trois-Rivières. Thank you.